ce que je fais entre mes mains. Le chemin que je suis est celui de mon destin. Direction ma destinée, ce qui m'est destiné. Je m'en vais le dessiner. Faut pas jouer au tout puissant, ni même à l'impuissant. C'est couplé en puissance. Beaucoup d'habitants en opposition à la France. La France raciste n'est pas française, de quoi je me mêle. C'est juste que quand je me lève, c'est pour prendre la relève. Je brandis mon glaive face à toutes les anomalies sur terre. Je pèse mes mots, faut pas se taire. Non mais sérieusement, c'est trop bizarre. Il me passe une bulle. J'ai le goût de rentrer dans un mur comme une libellule. Pourquoi tu me regardes avec ce regard incrédule? T'entends c'est cool, tic-tac sur le clip de ma pendule. Tu perturbes, ça perdure, ça fait dur, c'est sûr. Si d'une perte dure, une perle mûre qui sommeille sa mûre. Empoisonnement chimique, un mélange origamique. Plus dans tous les sens, la fantomatique est tragique. J'aimerais faire du sens en rime, et là si je le sens, éclairci. Je sais mais c'est pas possible, mes souvenirs sont alcooliques. Aucun écrit, personne pour me dire quelle était la cause de mes essais libres. Il restera ces lignes que je prends la peine de laisser pour celui ou celle qui sait lire. Je verse de la salive en vain, caméra peut s'en servir. J'ai jamais voulu divertir, j'ai jamais voulu te mentir. Même quand la vie est une chaîne, même si je doute plus que je n'espère, enfin j'espère. Et même si l'ambiance est maussade, j'essaie de rester digne. Et même si le son est maussade, il faut savoir lire entre les lignes. Moi j'ai pas de concret, réalité, sincérité. Eux ils parlent des gens et de ce qu'ils doivent écouter. On n'a pas les mêmes valeurs, mon royaume n'est pas le leur. J'ai la haine contre la massage, qu'on n'est pas dans l'air du temps. Mais on est fiers, la mode c'est comme le vent, alors nique sa mère. Moi je te parle de durée, d'intégrité, de qualité. Un DA me parle de single, en fait des coups montés. On n'a pas les mêmes valeurs, mon royaume n'est pas le leur. On fait du son vénère c'est sûr, et même si en France c'est dur, on rase pas les murs. Rien à foutre de la tendance en 2011. Kankani, moi je nage que dans ce monde. Moi je te pose ce texte, je vais pas te faire souffrir. Mais te punir, te convertir, à me suivre jusqu'au bout de mon destin.